Chapitre 11e. Mon compagnon possédait une petite maison dans la ville, mais elle était tellement encombrée de caisses et de paquets qu'afin de s'éviter des dérangements, il emprunta pour moi, à l'un de ses voisins, une grande pièce humide servant de magasin à plâtre. On balayait la place de mon matelas et d'un tonneau de morue, on me fit une table toilette. Pendant qu'on prenait ses soins, je me mis à l'aise et malgré la somptuosité de l'église, malgré quelques habits noirs portés par des individus qui sont des vendeurs d'or, car dans leurs boutiques on trouve des vases toujours ébréchés, de la poudre toujours éventée, des allumettes invariablement humides, en un mot, malgré toute l'apparence aristocratique des habitants de Santa Cruz, j'eus la convenance de me débarrasser de mes bottes et de m'en aller par les rues, pavées avec du gazon, pour chercher au bord de la mer et m'y coucher sur le sable, sous des mangliers que j'avais vus de loin. J'avais encore la faiblesse de croire qu'on peut dormir en plein air au Brésil. À peine étendu sur le sol, je fus assailli par des armées d'insectes de toute espèce. Le moyen de fermer les yeux. Pourtant, j'en avais bien besoin. Je quittai forcément ce lieu et je revins me mettre sur le matelas qui m'avait été préparé. Seulement, comme on venait de balayer ma chambre, il me fallut en passer par un nuage de plâtre. Mon hôte, dont l'extrême convenance ne se démentit jamais, vint m'apprendre avec empressement que messieurs les marchands croyaient que j'étais un colon et qu'ils m'avaient pris pour un domestique blanc, chargé de remplacer une mulâtresse, sa cuisinière, dont ils n'étaient pas contents. Il me fut très agréable d'apprendre, comme on le pense bien, cette flatteuse opinion que l'on se faisait de moi. Le lendemain de notre arrivée, on avait chargé quelques Indiens d'aller chercher nos bagages restés à Victoria. Malheureusement, le vent était contraire et les légers canots faits de troncs d'arbres ne pouvaient lutter contre sa violence. Il fallut attendre. On sait déjà que la ville de Santa Cruz possède la devanture d'une cathédrale. Je n'ai pas vu d'autre monument digne d'être cité, sinon une fontaine nouvellement construite. Le reste est peu de choses, de petites maisons placées sans symétrie, de l'herbe poussant partout dans ce qui pourrait s'appeler d'ailleurs des rues, un petit port abrité par des brisants. Ma seule distraction était de regarder les équipages de trois navires en chargement de bois qui chantaient des airs bien monotones, soit en virant au cabestan, soit en hissant les troncs d'arbres. J'avais pris le parti de me boucher les oreilles afin de ne pas retenir ces airs dans ma mémoire. Vaine précaution, car aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je m'aperçois que je les chante d'inspiration. Généralement, ce sont des bois de palissandre qu'on envoie à Rio et de là en Europe. Les possesseurs de terrain qui font le commerce, se bornent à exploiter cette espèce. On n'apporte à Santa Cruz que les troncs coupés à la hauteur des premières branches, et là, on les scie en deux avant de les embarquer. Trois semaines se passèrent. Chaque jour, je consultais le vent, toujours le même. Enfin, arriva celui dont nous avions besoin. Les canaux revinrent. Mais dans quel état? Nos effets étaient détériorés, et nos malles pleines d'eau, en jugées du moins par l'extérieur, car on ne se donna pas le temps de vérifier les désastres, et le jour de l'arrivée de nos bagages fut celui de notre départ. Cette fois, c'était pour longtemps. Trois canots furent chargés de nos divers effets, parmi lesquels il fallait se caser d'une façon assez incommode. Ce que voyant, mon hôte, qui n'avait toujours que mon intérêt en vue, alla, sans rien me dire, s'installer dans un autre canot et me laissa dans le mien qui était le plus encombré. Nous remontions à force de rames la rivière de Sagnassou, où je ressentais encore l'influence de la mer. Mais le spectacle était intéressant. Des forêts de mangliers s'étendaient avec leurs myriades de racines bien avant dans l'eau. Une demi-heure après le départ, des grains vinrent de quart d'heure en quart d'heure fondre sur nous avec une telle force que mon parapluie fut cassé, mes malles bousculées, et le canot rempli d'eau, en sorte que si un Indien ne se fût empressé de le vider, nous eussions coulé bas inévitablement. Cet Indien n'ayant pas sous la main de vase pour cette opération, eut l'heureuse idée de se servir d'un verre, tandis que les autres poussaient à terre le canot. Nous débarquâmes heureusement et nous attendîmes que le temps devint meilleur. Dès que je n'eus plus à craindre un bain forcé, j'employai le temps que nous passâmes accrochés sur un rocher à calculer combien de jours il fallut à l'ingénieux Indien pour vider notre embarcation avec son verre, et il me fut démontré que trois semaines eussent à peu près suffi. Le ciel enfin devint bleu et nous remontâmes en bateau. Je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder de tous les côtés. Nous approchons cette fois des forêts vierges. La rivière était large. De loin, je voyais de grands oiseaux blancs. C'étaient des aigrettes, puis des hérons à bec couleur bleu de ciel et ornés de panaches retombant de chaque côté de la tête, des martins pêcheurs, etc. Près de nous passa une pirogue, montée par un jeune couple, le mari au gouvernail, la femme placée au milieu, tenant dans ses bras un buisson qui servait de voile. Sujet de tableau charmant. Ce petit canot ainsi poussé par le vent disparut en peu de minutes.